6 heures du soir, je retourne chez moi. Et tous les jours, c'est comme ça. Je sortirai de mon brouillard avant qu'il ne soit. J'étudie le dimanche, quant à dormir, je n'en ai guère le temps. Je le passe à rêver à la voiture blanche que n'ont pu acheter mes parents. Dans l'usine au triste portail, l'argent que je gagne au travail me paye les études qui m'en feront sortir. Car je me bats pour réussir. Je sortirai.